say, il a dit, the wise, les sages, meaning, ça veut dire, those that live in the fear of God, celui qui vit dans la crainte du Seigneur, he says, il a dit, they will shine, ils vont briller, on that day, à ce jour-là, like the glory of the heavens, comme la gloire du ciel. Listen to me, écoutez-moi, this hour, ce moment-là, make sure, sois sûr, that your salvation, que ton salut, that your salvation, que ton salut, is centered, est centré, around the fear of God. Laissez la crainte de Dieu. There is no time. Il y a plus de temps. And then Daniel sees. Et puis Daniel a vu. Those who lead many to righteousness. Celui qui amenait beaucoup vers la justice. They shine. Ils brillent. Even brighter. Encore de plus en plus ils brillent. They shine. Ils brillent. Like the stars. Comme les étoiles. Forever and ever. Pour toujours à toujours. If you come to this country, si tu viens dans ce pays, let us say, alors dire, there is a good sportsman in this country, sports. Il y a beaucoup de disco ici dans ce pays. Someone that plays golf very well. Il y a beaucoup qui jouent du golf très bien. In this country, dans ce pays. Or maybe, ou alors, 100 meters, au 100 mètres. And he wins in the world. Et il gagne dans la vie, dans le monde. That one in this country, celui-là dans ce pays, he becomes a star. Il devient un star. So a star of the country. Alors un star du pays. Such that, celui, when you come, alors quand tu viens, the leaders of this country, les responsables du pays, they tell you that is our star. Il veut inviter notre star. He is number one in golf. Il est numéro un dans le golf. He is number one in 100 meters. Il est numéro un dans les 100 mètres. He is number one in rock. Il est numéro un dans n'importe quoi. The star, le star, is the treasure of the country. C'est le trésor du pays. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, when it comes to the kingdom of heaven, quand ça vient du royaume du ciel, those who will teach others righteousness, celui qui va enseigner les autres justice, they will be the stars of God in heaven. Ils seront les stars de Dieu au ciel. When you enter there, quand tu rentres là-bas, God will tell you, Dieu va te dire, look at our star. Regarde notre star. Is there a star here tonight? Est-ce qu'il y a des stars ici ce soir? Is there a star of the Lord here tonight? Est-ce qu'il y a des stars du Seigneur là ce soir? If we walk in righteousness, si nous marchons dans la justice, we walk. Nous marchons. Walk in righteousness. Marcher dans la justice. We don't need to preach it. On n'a pas besoin de le prêcher. Once we walk in it, une fois qu'on marche dedans, our righteousness, notre justice, will be like the star, va être comme les étoiles. Meaning, veut dire, it will broadcast, ça va briller. Broadcast, ça va briller. It will broadcast our salvation, ça va briller notre salut. Hallelujah. Hallelujah. So let us prepare. Alors préparons-nous for the glorious coming of the Messiah. Pour le retour du Messie glorieux.